33 degrés. Température idéale pour entendre parler de technologie d'information avec Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut Technologie de l'Information et Société de l'Université Laval. Allô, Raymond. Bonjour, Tania. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'utilisation d'Internet et de gadgets électroniques. Exactement. On va voir un peu de quelle manière les gens, les Québécois, les Québécoises, utilisent Internet, utilisent les gadgets technologiques. Essayer de dresser un portrait des différentes générations. Donc, c'est toujours intéressant. C'est des données qui sont utiles autant pour le marketing que pour la recherche, pour développer des services, pour développer des produits, pour essayer de trouver des manières pour aller rejoindre les différents publics cibles. Et parallèlement, ben, pour le commun des mortels, c'est toujours des belles curiosités de voir justement de quelle manière on est capable de catégoriser, de définir au niveau web différentes générations. Et c'est bon aussi pour épater la galerie dans un 5 à 7. Exactement. Enfin, on peut sortir ces données-là dans un peu toutes les circonstances. Je pense que ça se fait agréablement. Et d'ailleurs, c'est des données qui nous viennent du Sofrio. En fait, c'est l'enquête Net Tendance. Ils font ça chaque année, une espèce de portrait global d'utilisation d'Internet au Québec. On va terminer avec les 18-34 ans. Je me suis dit, on les garde pour le dessert. Commençons plutôt avec la génération X, les 35 à 44 ans. Donc, c'est intéressant dans la mesure où, contrairement aux 18-34 ans qui ont rapidement intégré Internet, en fait, qui sont pour une partie du moins nés avec le web, pour les 35-44 ans, ils ne sont pas nés avec le web, mais ils l'ont adopté. Et selon les données de 2011, ben, semble-t-il que c'est vraiment les aspects pratiques d'Internet qui séduisent cette génération qui est en début de vie active, qui aussi rime souvent avec jeune famille. Donc, beaucoup de priorités liées aux achats, à la vente, aux opérations bancaires. Et on remarque d'ailleurs que c'est une génération qui utilise beaucoup, notamment là, l'achat en ligne. Ce qu'on dit, c'est que c'est à peu près 75% des 35 à 44 ans qui ont fait des cyberachats dans la dernière année. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup plus, ouais, d'ailleurs, que tous les autres groupes d'âge. Donc, même on bat les 18-34? Oui, oui. En fait, on dirait que c'est vraiment eux qui ont perçu, dès le départ, Internet comme outil bancaire, comme outil de transaction, comme outil d'achat. Donc, si on va dans un magasin et qu'on voit des gens en train de magasiner avec leur iPod, iPad et autres, eh bien, c'est probablement, c'est peut-être des 35-44 ans, c'est ceux qui, statistiquement, le font le plus. Et de manière générale, c'est quand même des usagers assez imposants d'Internet. Là, on parle de 95% qui l'utilisent régulièrement ou occasionnellement, 36%, presque 37% qui ont un téléphone intelligent, presque 50% des 35-44 ans qui ont un profil sur les médias sociaux également. Donc, on voit qui l'utilise, le web. Donc, oui, pour les achats, mais évidemment aussi pour consulter l'actualité, pour les médias sociaux, la communication. Évidemment, il y a le côté ludique aussi qui est important. On parle d'à peu près 31-32% qui y jouent en ligne. Il y a beaucoup de gens aussi dans cette tranche d'âge-là qui vont voir des vidéos en ligne, YouTube, Dailymotion et autres. Donc, vraiment, c'est une génération qui est pas née avec, je le répète, mais qui a véritablement adopté le web, et on les trouve quand même assez aisément là-dessus, aisément sur cette plateforme. Prochaine tranche d'âge, les 45-54? Exactement, les jeunes boomers, en fait, c'est comme ça qu'eux les ont appelés. Ce qu'on dit, c'est qu'ils sont pas aussi enthousiastes devant les nouveautés technologiques d'Internet que les générations X et Y, mais quand même qui savent tirer parti des différentes fonctionnalités qui sont présentes sur la toile. De manière générale, ce qu'on sait, c'est que c'est une vaste majorité qui ont un ordinateur, oui, au bureau, mais également à la maison. Et c'est, on pourrait dire, en fait, les 35-54, un peu la génération médiane. Donc, dans le fond, ils vont chercher un peu des habitudes des X, mais en même temps, ils ont un peu aussi des habitudes des boomers à proprement parler, donc des 55 à 64 ans. Donc, ce qu'on remarque, en fait, au niveau statistique, c'est qu'eux utilisent régulièrement Internet à peu près à 87-88%, ce qui est quand même très bien, mais c'est un peu plus bas que la 95 de tout à l'heure. Il y en a à peu près 26% qui ont un téléphone intelligent, donc 10% de moins. Les cyberachats, on tombe à un peu moins de 50%, mais c'est quand même une bonne proportion. Les profils sur les médias sociaux, c'est presque 40%, les jeux en ligne, presque 25%. Donc, dans le fond, vraiment, c'est des gens qui, je le répète, ont la position médiane, que ce soit du point de vue de l'informatisation, du nombre d'heures sur Internet, des équipements qu'ils possèdent, du divertissement, de l'information, des communications, des transactions. Les médias sociaux, par contre, dans une moindre mesure, on sent que c'est pas nécessairement leur outil à eux et leur outil de prédilection non plus à eux. Et pour ce qui est maintenant des 55-64 ans. Et là, on change un peu de données et de réalité. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est que selon certaines études, il y a l'apparition de médias qui deviennent le média d'importance dans la vie d'une personne. Quand on est, qu'on apprend à apprivoiser un média, ben on va peut-être l'adopter un peu plus. Et nécessairement, on l'imagine, les 18-34 ans, et dans une certaine mesure, les 35-44 ans, ben, le média qu'ils ont vu naître, c'est Internet. C'est la mobilité. Donc, c'est un peu tout ce qui entoure cette réalité-là des technologies. Bon, la mobilité dans une moindre mesure. Évidemment, on parle plus de l'Internet fixe, modem et autres, mais quand même. Pour ce qui est des 55 à 64 ans, eux, le média qu'ils ont vu naître et auquel ils sont le plus attachés, c'est la télévision. C'est le média qu'ils ont adopté et nécessairement, ce qu'on remarque, c'est que leurs habitudes par rapport à la télé sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus ancrées et qu'encore aujourd'hui, même si on dit, ben, il faut avoir un site, il faut être sur le web pour rejoindre les gens, ben, reste que si on veut rejoindre les baby boomers, donc les 55 à 64 ans, il faut être également à la télévision. Et ça, c'est vrai aussi pour les 65 ans et plus. Donc, il y a vraiment un clivage. Le clivage est moins accentué, évidemment, avec les 55-64 ans qui va l'être avec la génération subséquente. Mais quand même, le clivage est là, il est présent. J'imagine que pour la recherche d'informations, les sources d'informations, la télévision doit encore venir en premier comparé à Internet dans cette tranche d'âge-là. Exactement. Dans cette tranche d'âge-là, c'est la source principale. Cela dit, il y en a quand même une bonne proportion qui vont sur Internet. Ils sont majoritairement sur Internet, là, dans leur de 76%, 77%. Donc, ils vont régulièrement ou occasionnellement. Donc, ils sont pas étrangers au médium. Les téléphones intelligents, par contre, là, on les perd. On tombe en deçà de 20%, en fait, à 18% pour être précis. Les cyberachats, on tombe à peu près à 43-44%. Les médias sociaux, 22%. Et pour ce qui est des jeux en ligne, c'est 16%. Donc, c'est relativement peu. Cela dit, comme on le mentionnait, ils sont sur Internet. Et donc, il y a certaines études parallèles qui se sont demandées, ben, pourquoi on les retrouvent pas plus sur les médias sociaux puisqu'ils sont déjà sur le web, ils ont déjà des habitudes. Et selon un article en fait publié dans Mashable, semble-t-il que peut-être qu'il y aurait une question de contenu. Que les médias sociaux, le contenu qui est poussé de manière générale, c'est pas le contenu de leur génération, c'est pas nécessairement les priorités de leur génération. Et comme ils sont peu dessus, ben il y a pas non plus un biais important au niveau contenu pour cette tranche d'âge-là. Donc c'est vraiment plus un contenu poussé qui correspond au profil et aux réalités des 18 à 40 ans approximativement. Donc ce qui fait qu'ils s'y reconnaissent moins, ce qui fait qu'ils ont donc moins de réflexes d'y aller et donc et qu'ils s'y reconnaissent encore moins. Et le cercle est un peu enclenché là-dessus. Donc il y a un peu la question à savoir si on adaptait le contenu sur Facebook, s'il y avait vraiment un contenu poussé qui correspond aux besoins de cette tranche d'âge-là, est-ce qu'ils s'y retrouveraient plus? Peut-être que oui. Parce qu'en plus, les réseaux sociaux, c'est nous qui créons notre propre cercle. Donc, si on devient ami seulement avec des gens de cette génération-là, il y a moyen de se faire notre propre contenu et de le diffuser. Exactement. Dans la mesure où, évidemment, dans notre réseau de cette tranche d'âge-là, il y a suffisamment de gens pour aussi avoir un réseau qui est intéressant. Parce que c'est sûr qu'il y a plus de gens, en fait, en termes d'utilisateurs, qui sont des 35 ans et moins sur Facebook que des 40 ans, 45 ans, 50 ans et plus. Donc, ça, c'est l'élément à retenir. Mais comme on le dit, donc, de manière générale, il y en a une bonne partie qui utilise d'autres fonctionnalités transactionnelles, notamment informationnelles. Donc, ils sont sur Internet, mais dans une moindre mesure. Et le gros clivage, ici, avec la génération suivante, les 65 ans et plus. Donc, eux, ils ont vu la télé naître, mais dans une certaine partie, il y en a même qui ont vu la radio s'imposer aussi. Pour eux, c'était leur média de choix. Et selon certaines études, il y en a qui sont encore aussi très attachés même à ce médium-là qui est vraiment intégré, adopté. La télévision également. C'est une génération qui aussi, de manière générale, selon les données de 2011, est moins bien équipée sur les plans technologiques et informatiques que les autres générations. Ils sont moins actifs sur Internet que les adultes des autres générations, autant du point de vue des transactions, des communications, du divertissement. Donc, ils sont moins présents. Cela dit, et c'est ça qui est important aussi de souligner, ils ne sont pas entièrement peu présents ou entièrement pas présents. Il y en a une partie qui y sont, et ceux qui y sont pour vrai. Ils ont adopté ce médium-là, ils l'exploitent, Skype, les outils de communication pour rester en contact avec leur famille, pour aller chercher de l'information. Donc, d'un côté, il faut aller les rejoindre ailleurs, aller les chercher ailleurs, parce qu'il y en a qui rejettent entièrement aussi dans cette génération-là l'utilité et l'utilisation du web. Mais par contre, il y en a une partie qu'on peut tout de même rejoindre via les médias sociaux et il faut pas non plus, via l'Internet en général, il faut pas non plus les oublier. Donc, si on sort les statistiques, ça donne à peu près, en termes d'utilisation utilisation régulière ou occasionnelle, quand même 50% des gens qui vont de temps à autre sur Internet ou régulièrement. Un téléphone intelligent, là, c'est presque rien. C'est même pas 3%. 2,3, en fait, on va être précis. Les cyberachats, on est à peu près à 24%. Un profil sur les médias sociaux, c'est 6%. Donc, on oublie ça. Les jeux en ligne, 15%. Donc, quand même, il y a une clientèle qui y est, mais qui y est beaucoup moins. Et qui pourrait l'être aussi beaucoup plus dans la mesure où il y a même des études qui disent, exemple, une étude qui a été rapportée dans le Daily Mail, qui disait que l'utilisation des médias sociaux comme Facebook, YouTube, des outils comme Skype, aiderait à maintenir le cerveau des retraités actifs, à réduire les pertes de mémoire, à réduire l'isolement aussi. Donc, il peut avoir quand même des effets positifs et c'est une manière pour des gens qui peuvent être isolés, qui peuvent être à mobilité plus réduite pour différentes raisons de santé, mais de quand même rester connecté avec le monde, de rester stimulé et de rester stimulé de manière peut-être plus active qu'avec un médium comme la télévision, parce qu'Internet offre justement cette possibilité d'interaction-là qui n'est pas présente avec la radio ou avec la télévision. Mais on parle beaucoup d'isolement chez les personnes âgées, chez les aînés. C'est vrai que de les brancher, ça, mais pas par intraveineuse, ou de les brancher médicalement, mais sur Internet, ce serait un très, très bon moyen de garder en contact. Et on parle beaucoup des enfants qui vont pas voir leurs parents et tout. Ben juste de faire un petit coucou sur Internet, des fois, ça peut faire plaisir pour ces personnes-là. Et c'est quand même plus, ben, disons, plus simple, plus rapide que se déplacer. Exactement. Et dans le fond, l'idée, c'est de voir, ben, on a une partie de ces gens-là, donc de cette génération-là qui est présente. Maintenant, comment les raccrocher les autres aussi? Parce que le danger, quand on parle beaucoup des 65 ans et plus et du web, c'est cette fracture numérique-là qui existe, qui est présente et qui fait qu'il y a quand même une partie des gens dans une ère où on dit constamment, et je veux dire, on peut pas regarder un bulletin de nouvelles sans qu'on nous dise « Hey, allez sur Internet, vous allez en savoir plus ». Si j'ai pas Internet, si je suis pas capable de l'utiliser, comment je fais pour avoir cette information-là? Est-ce que, d'une certaine façon, on est en train de créer deux catégories de citoyens? Je lance la question, en fait, c'est un dossier qu'on a déjà exploré dans les chroniques, sûrement qu'on réexplorera parce que c'est capital et essentiel, mais c'est une question qu'on doit garder en tête quand on parle des aînés et du web. Et je trouve le clivage, tu parlais d'adoption du web, quand on pense aux personnes plus âgées, que quand eux étaient enfants, le divertissement en fin de soirée, c'était même pas la télévision, c'était peut-être de regarder dehors, tu sais, ou de regarder le feu, le foyer, alors que là, on a la notion d'écran, de contact avec des gens qui sont sur une distance à l'autre bout de la terre, et il y a le clivage est même presque difficile à imaginer. Et quand on regarde les 18 à 34 ans, c'est encore plus drastique. Enfin, on est vraiment en présence de deux mondes. Je veux dire, en fait, je reviendrai aux données du Sofrio, mais il y a une autre étude menée par une firme qui s'appelle McKinsey auprès d'à peu près 100 000 personnes dans 15 pays. Donc, on est à l'international, qui montre, elle, que les jeunes utilisent de plus en plus le téléphone mobile, regardent de moins en moins la télé conventionnelle. En plus, côté ordinateur, le téléphone intelligent a détrôné l'ordinateur dans leur vie. Lorsqu'ils communiquent avec leurs amis, c'est d'abord par message texte également. On s'appelle plus, on se texte. Donc, ça change de manière assez massive et on se retrouve aussi avec un appareil, le téléphone intelligent qui, par les gens qui ont fait l'étude, disent, regardez, c'est devenu un véritable couteau suisse. C'est l'outil qui permet un peu tout le reste. Et donc, ce qui fait qu'on est face à une génération et peut-être en partie, nos auditeurs sont dans une génération qui adopte de plus en plus ces outils-là, pour qui, en fait, c'est central à l'existence. Ça devient un must, si on me permet l'anglicisme. Si on en revient aux données québécoises, en fait, ce qu'on dit dans cette étude du Sofrio, c'est qu'Internet, c'est pas un enjeu, c'est pas une question pour cette génération d'adultes-là, c'est un acquis, que ce soit du point de vue du divertissement, de la consommation, des transactions, de la socialisation, des communications, de l'information. Et nécessairement, en fait, pour entrer en contact avec les 18-34 ans, ben, en allant sur le web, c'est une voie privilégiée, c'est une voie incontournable de manière générale. Au niveau statistique, on parle de 96% qui utilisent régulièrement ou occasionnellement Internet, près de 40% qui ont un téléphone intelligent, près de 70% qui ont fait des achats, 73-74% qui sont sur les médias sociaux, les gens en ligne à peu près 42%. Donc, c'est quand même assez généralisé. Évidemment, ça pourra l'être encore plus, mais ça donne une idée à quel point ils sont présents, je te dirais. Mais par contre, ce qui est à surveiller aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les 18-34 ans sont nés avec l'Internet. Et il y a une autre technologie qui est apparue assez rapidement, qui est le mobile, qui est ce couteau suisse-là, et qui vient qu'à changer aussi les attentes que cette génération-là a face à Internet. et aussi ce que la génération qui s'en vient, donc les 12-18 ans, eux, leurs attentes vont être aussi radicalement transformées. Donc, les grands changements à venir, c'est l'arrivée des tablettes numériques, c'est les téléphones intelligents, c'est tout ce qui est mobilité. Il y a Accenture, une autre firme, qui disait que les jeunes consommateurs ont l'intention d'acheter moins de téléviseurs, moins d'ordinateurs, plus de téléphones intelligents, plus de ce type d'outils-là qui permet, dans le fond, d'utiliser, d'avoir accès à tout rapidement, facilement. Donc, c'est vraiment une autre génération qui est en train de se tisser. Et ça, c'est intéressant. Et par contre, on en avait parlé aussi, je crois, au début de l'été, c'est pas parce qu'ils sont beaucoup sur Internet qu'ils sont meilleurs sur Internet et qu'ils connaissent tout. C'est pas parce que vous avez un petit neveu qui a 18 ans ou que votre fils a 24 ans que c'est nécessairement un utilisateur expert d'Internet. Il y a à peu près, je pense, il y avait une étude au Cégep, donc en fait, je retrouve le nom des gens, c'est le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante qui, eux, avaient dit, regardez, il y a à peu près 41% là, des usagers d'âge collégial ne sont pas des experts, mais aucunement. Il y en a peut-être 20% là-dedans qui sont considérés comme des usagers experts, mais sinon, ils en font la même utilisation que tout le monde. Ils sont capables de tweeter, ils sont capables d'être sur Facebook, ils comprennent les fonctionnalités, mais c'est pas parce que tu comprends que tu maîtrises parfaitement plus que toute autre personne. Donc, finalement, il n'y a pas de complexe à avoir envers les jeunes et leur utilisation d'Internet. Ils apprennent aussi de façon à tellement de nouveautés, tellement de mises à jour qu'on est constamment en apprentissage aussi ou en réapprentissage là-dedans. Donc, eux, c'est un peu la même chose. Raymond Poirier, merci beaucoup sur ces statistiques fort intéressantes. Ça me fait plaisir. Et on retrouve les chroniques sur le site de Litis. Exactement. Fait normalement au retour du congé la semaine prochaine, le nouveau site va être en ligne et on pourra retrouver les chroniques plus récentes. Et pour les archives, mais toujours également itis.laval.ca, elles y sont. Et justement, on prend une pause la semaine prochaine en raison de la fête du travail, mais on se retrouve le 10 septembre. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.